Mais c'est quand tu t'éloignes de moi que je te perdrai encore une fois. Je t'invente tout près de moi parce que je pense souvent à toi. C'est du sel à boca à manger, moi là où loin. J'allais les barils sans dire que moi besoin. C'est pas la lune moins qu'à monter, en dix moments moins espéré. C'est dans ça où que moi aller. Tout au fond de pensée, oh.